Enfin, un moment pour vous. Vous choisissez un album dans votre collection, vous sortez le disque de sa pochette, vous le posez sur la platine, c'est l'instant vinyle. L'instant vinyle sur Blues Café Radio avec Christian Birail. Nous sommes à Tokyo dans le mythique Budokan. De nombreux concerts ont eu lieu dans cette salle. Les premiers à y avoir joué, ce sont tout simplement les Beatles. Le public du Budokan a la réputation d'être très réceptif et c'est pour cette raison que de nombreux albums live y ont été enregistrés. Nous allons y passer une soirée, Just One Night, une soirée seulement, de décembre 1979, et pas n'importe quelle soirée. C'est Eric Clapton et son groupe qui jouent. Un groupe de grands musiciens, bien évidemment. Attention, c'est le moment name-dropping de l'instant vinyle. Autour d'Eric Clapton, Henry Spinetti à la batterie, Dave Markey à la basse, Albert Lee à la deuxième guitare, et au clavier, Chris Stainton, qui s'est illustré notamment en accompagnant Joe Cocker. C'était Tulsa Time par Eric Clapton. Vous êtes dans l'instant vinyle de Blues Café Radio, l'émission qui tourne sur 33 tours. Et nous savourons le double album en public, Just One Night. Après avoir gravi les échelons de la notoriété, en ayant joué avec diverses formations prestigieuses, comme Cream par exemple, Eric Clapton, désormais en solo au cours des années 70, continue d'aligner des succès internationaux. Albert Lee, grand guitariste blues country rock, accompagne Eric Clapton dans Just One Night. Vous allez maintenant entendre les deux guitares de ces virtuoses se mêler admirablement sur Lay Down Sally. Parmi les influences d'Eric Clapton, on peut citer J.J. Cale. Clapton a beaucoup joué avec lui. Ils sont même devenus de grands amis. Dans le double live Just One Night qu'on écoute dans cet instant vinyle, Clapton interprète deux chansons de J.J. Cale, dont la célébrissime Cocaine. Down. Vous êtes dans l'instant vinyle de Blues Café Radio, l'émission 100% craquement, et nous savourons l'album en public Just One Night. Cet album contient plusieurs succès de Clapton parus en 45 tours, mais il fait aussi la part belle à la grande passion de Clapton, le blues. On en compte plusieurs dans ce double 33 tours et pas des moindres. Je vous propose de commencer par Rambling on My Mind. Cette chanson a une place particulière dans l'histoire d'Eric Clapton. Pour commencer, cette chanson a été enregistrée en 1936 par son grand héros, le pionnier du blues Robert Johnson. Ensuite, il faut savoir que la première fois de sa carrière que Clapton a chanté en solo, en 1966, c'était à l'occasion de l'enregistrement de cette même chanson. On la trouve sur l'album Blues Breakers with Eric Clapton, enregistré avec John Mayall. Voici donc Rambling on My Mind dans la magnifique version qu'on peut entendre dans Just One Night. Vous noterez les changements de tonalité qui contribuent à faire monter la tension tout au long du morceau, et l'incursion, non créditée d'ailleurs sur la pochette, d'une autre chanson, Have You Ever Loved a Woman, que Clapton a également souvent joué. Thank you. parlons maintenant de la pochette de Just One Night. Une pochette épurée, tout en sobriété, à l'image d'Eric Clapton. Il pose seul, sur scène, avec sa guitare, une Fender Stratocaster au corps noir qu'il a appelé Blackie. Cette guitare est une légende, à l'instar de Clapton. Il l'a faite fabriquer à partir de plusieurs guitares qu'il a achetées d'occasion dans un magasin de Nashville en 1970. Cette guitare est restée sa préférée jusqu'au milieu des années 80, où, à force, elle est devenue injouable. Clapton décidera de vendre Blackie aux enchères en 2004, au profit de son centre de désintoxication Crossroads. Elle atteindra le prix record de 959 500 $, un prix proche du million. Pour l'anecdote, il avait payé moins de 300 $ les quelques guitares qui ont servi à fabriquer Blackie. On va l'écouter maintenant dans Blues Power. Quand Blues Café Radio m'a proposé d'animer cette émission, l'Instant Vinyle, je vous avoue que le premier album auquel j'ai pensé, c'est celui dont on parle maintenant, Just One Night. Lorsque le musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon m'a demandé de contribuer à l'exposition Vinyl Mania, c'est l'album qui s'est retrouvé au centre de la partie de l'expo consacrée à ma collection. Un ami m'a dit qu'il avait remarqué que tous ceux qui ont découvert Clapton à l'époque de Just One Night vénèrent ce double album. Ce disque était en effet la bande-son de nos soirées. On rêvait en écoutant les blues et les ballades de ces deux disques. On dansait sur les rocks comme Blues Power qu'on vient d'écouter. On s'enlaçait pour 8 minutes de slow sur Double Trouble. Je vous propose de terminer cet instant vinyle avec cette magnifique chanson. Clapton est ici dans un feeling extraordinaire. Il joue tout en nuances, en expressivité et en émotion dans la longue improvisation que vous allez écouter. J'en ai des frissons rien que de vous en parler. Ladies and gentlemen, Double Trouble, Eric Clapton. Lay awake at night. For some love, you know I'm troubled. I can't keep a job. I'm laid off and I'm having double trouble. But hey, hey, to make it you've got to try. Baby, believe me, that ain't. Some of this generation is millionaires, and I can't even keep decent clothes to generation of millionaires. À bientôt pour un prochain Instant Vinyle sur Blues Café Radio avec Christian Biral.